Chapitre 31 Dissertation spirite. Nous avons réuni dans ce chapitre quelques dictées spontanées pouvant compléter et confirmer les principes contenus dans cet ouvrage. Nous aurions pu en citer un beaucoup plus grand nombre, mais nous nous bornons à celles qui ont plus particulièrement rapport à l'avenir du spiritisme, au médium et aux réunions. Nous les donnons à la fois comme instruction et comme type du genre des communications vraiment sérieuses. Nous terminerons par quelques communications apocryphes suivies de remarques propres à les faire reconnaître. Sur le spiritisme. 1. Ayez confiance dans la bonté de Dieu et soyez assez clairvoyants pour comprendre les préparatifs de la nouvelle vie qu'il vous destine. Il ne vous sera pas donné, il est vrai, d'en jouir dans cette existence. Mais ne serez-vous pas heureux si vous ne revivez pas sur ce globe de considérer d'en haut l'œuvre que vous aurez commencée et qui se développera sous vos yeux? Soyez cuirassés par une foi ferme et sans hésitation contre les obstacles qui semblent devoir s'élever contre l'édifice dont vous posez les fondements. Les bases sur lesquelles il s'appuie sont solides. Le Christ en a posé la première pierre. Courage donc! Architecte du divin maître, travaillez, bâtissez, Dieu couronnera votre œuvre. Mais songez bien que le Christ renie pour ses disciples quiconque n'a la charité que sur les lèvres. Il ne suffit pas de croire, il faut surtout donner l'exemple de la bonté, de la bienveillance et du désintéressement. Sans cela, votre foi sera stérile pour vous. Signé Saint Augustin. 2. Le Christ lui-même préside les travaux de toute nature qui sont en voie d'accomplissement pour vous ouvrir l'ère de rénovation et de perfectionnement que vous prédisent vos guides spirituels. Si, en effet, vous jetez les yeux en dehors des manifestations spirites sur les événements contemporains, vous reconnaîtrez sans aucune hésitation les signes avant-coureurs qui vous prouveront d'une manière irréfragable que les temps prédits sont arrivés. Les communications s'établissent entre tous les peuples, les barrières matérielles renversées, les obstacles moraux qui s'opposent à leur union, les préjugés politiques et religieux s'effaceront rapidement, et le règne de la fraternité s'établira enfin d'une manière solide et durable. Observez dès aujourd'hui les souverains eux-mêmes, poussés par une main invisible, prendre, chose inouïe pour vous, l'initiative des réformes, et les réformes qui partent d'en haut et spontanément sont bien plus rapides et plus durables que celles qui partent d'en bas et sont arrachées par force. J'avais, malgré des préjugés d'enfance et d'éducation, malgré le culte du souvenir, pressenti l'époque actuelle. J'en suis heureux et suis plus heureux encore de venir vous dire, frères, courage, travaillez pour vous et pour l'avenir des vôtres, travaillez surtout à votre amélioration personnelle et vous jouirez dans votre première existence d'un bonheur dont il vous est aussi difficile de vous faire une idée qu'à moi de vous le faire comprendre. Signé Chateaubriand. 3. Je pense que le spiritisme est une étude toute philosophique des causes secrètes, des mouvements intérieurs de l'âme peu ou point définis jusqu'ici. Il explique plus encore qu'il ne découvre des horizons nouveaux. La réincarnation et les épreuves subies avant d'arriver au but suprême ne sont pas des révélations, mais une confirmation importante. Je suis frappé des vérités que ce moyen met en lumière. Je dis « moyen » avec intention. Car à mon sens, le spiritisme est un levier qui écarte les barrières de l'aveuglement. La préoccupation des questions morales est tout entière à créer. On discute la politique qui remue les intérêts généraux, on discute les intérêts privés, on se passionne pour l'attaque ou la défense des personnalités. Les systèmes ont leurs partisans et leurs détracteurs. Mais les vérités morales, celles qui sont le pain de l'âme, le pain de vie, sont laissés dans la poussière accumulée par les siècles. Tous les perfectionnements sont utiles aux yeux de la foule, sauf celui de l'âme. Son éducation, son élévation, sont des chimères bonnes tout au plus pour occuper les loisirs des prêtres, des poètes, des femmes, soit à l'état de mode, soit à l'état d'enseignement. Si le spiritisme ressuscite le spiritualisme, Il rendra à la société l'élan qui donne aux uns la dignité intérieure, aux autres la résignation, à tous le besoin de s'élever vers l'être suprême, oublié et méconnu par ces ingrates créatures. Signé Jean-Jacques Rousseau. 4. Si Dieu envoie des esprits instruire les hommes, c'est afin de les éclairer sur leurs devoirs, de leur montrer la route qui peut abréger leurs épreuves et par là de hâter leur avancement. Or, de même que le fruit arrive à maturité, l'homme aussi arrivera à la perfection. Mais à côté des bons esprits qui veulent votre bien, il y a aussi les esprits imparfaits qui veulent votre mal. Tandis que les uns vous poussent en avant, d'autres vous tirent en arrière. C'est à les distinguer que vous devez apporter toute votre attention. Le moyen est facile. Tâchez seulement de comprendre que rien de ce qui vient du bon esprit ne peut nuire à qui que ce soit, et que tout ce qui est mal ne peut venir que d'un mauvais esprit. Si vous n'écoutez pas les sages avis des esprits qui vous veulent du bien, si vous vous blessez des vérités qu'ils peuvent vous dire, il est évident que ce sont de mauvais esprits qui vous conseillent. L'orgueil seul peut vous empêcher de vous voir tel que vous êtes. Mais si vous ne le voyez pas vous-même, d'autres le voient pour vous, de sorte que vous êtes blâmé, et par les hommes qui rient de vous en arrière, et par les esprits. Signé un esprit familier. 5. Votre doctrine est belle et sainte. Le premier jalon est planté et solidement planté. Maintenant, vous n'avez plus qu'à marcher. La voie qui vous est ouverte est grande et majestueuse. Bienheureux celui qui arrivera au port. Plus il aura fait de prosélytes et plus il lui sera compté. Mais pour cela, il ne faut pas embrasser la doctrine froidement. Il faut y mettre de l'ardeur. Et cette ardeur sera doublée, car Dieu est toujours avec vous quand vous faites le bien. Tous ceux que vous amènerez seront autant de brebis rentrées au bercail, pauvres brebis à moitié égarées. Croyez bien que le plus sceptique, le plus athée, le plus incrédule, enfin, a toujours un tout petit coin dans le cœur qu'il voudrait pouvoir se cacher à lui-même. Eh bien, c'est ce petit coin qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. C'est ce côté vulnérable qu'il faut attaquer. C'est une petite brèche laissée ouverte, exprès par Dieu, pour faciliter à sa créature le moyen de rentrer dans son sein. Signé Saint Benoît. 6. Ne vous effrayez pas de certains obstacles, de certaines controverses. Ne tourmentez personne par aucune insistance. La persuasion ne viendra aux incrédules que par votre désintéressement, que par votre tolérance et votre charité pour tous sans exception. Gardez-vous surtout de violenter l'opinion, même par vos paroles ou par des démonstrations publiques. Plus vous serez modeste, plus vous arriverez à vous faire apprécier. Qu'aucun mobile personnel ne vous fasse agir, et vous trouverez dans vos consciences une force attractive que le bien seul procure. Les esprits, par ordre de Dieu, travaillent pour le progrès de tous sans exception. Vous, spirit, faites de même. Signé Saint-Louis. 7. Quelle est l'institution humaine, même divine, qui n'a eu des obstacles à surmonter, des schismes contre lesquels il lui a fallu lutter? Si vous n'aviez qu'une existence triste et mourante, on ne s'attaquerait point à vous, sachant bien que vous devez succomber d'un moment à l'autre. Mais, comme votre vitalité est forte et active, comme l'arbre spirit a de fortes racines, on suppose qu'il peut vivre longtemps, et on essaye de la cogner contre lui. Que feront ces envieux? Ils abattront tout au plus quelques branches qui repousseront avec une nouvelle sève et seront plus fortes que jamais. Signé Channing. 8. Je vais vous parler sur la fermeté que vous devez avoir dans vos travaux spirites. Une citation sur ce sujet vous a été faite. Je vous conseille de l'étudier de cœur et de vous en appliquer l'esprit. Car, de même que Saint Paul, vous serez persécutés, non pas en chair et en os, mais en esprit. Les incrédules, les pharisiens de l'époque vous blâmeront, vous bafoueront. Mais ne craignez rien, ce sera une épreuve qui vous fortifiera si vous savez la rapporter à Dieu. et plus tard, vous verrez vos efforts couronnés de succès. Ce sera un grand triomphe pour vous au jour de l'éternité, sans oublier que dans ce monde, c'est déjà une consolation pour les personnes qui ont perdu des parents et des amis. Savoir qu'ils sont heureux, qu'on peut communiquer avec eux, est un bonheur. Marchez donc en avant, accomplissez la mission que Dieu vous donne, et elle vous sera comptée au jour où vous paraîtrez devant le Tout-Puissant. Signé Channing. 9. Je viens, moi, ton Sauveur et ton Juge. Je viens comme autrefois, parmi les fils égarés d'Israël. Je viens apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi. Le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux matérialistes qu'au-dessus d'eux règne l'immuable vérité. Dieu bon, le Dieu grand, qui fait germer la plante et qui soulève les flots. J'ai révélé la doctrine divine. J'ai, comme un moissonneur lié en gerbe, le bien épars dans l'humanité. Et j'ai dit, « Venez à moi, vous tous qui souffrez. » Mais les hommes ingrats se sont détournés de la voie droite et large qui conduit au royaume de mon Père. Et ils se sont égarés dans les âpres sentiers de l'impiété. Mon Père ne veut pas anéantir la race humaine. Il veut non plus par des prophètes, non plus par des apôtres. Il veut que vous aidant les uns les autres, morts et vivants, c'est-à-dire morts selon la chair, car la mort n'existe pas, vous vous secouriez et que la voix de ceux qui ne sont plus se fasse entendre pour vous crier, prier et croyez. Car la mort est la résurrection et la vie, l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme le cèdre. Croyez aux voix qui vous répondent. Ce sont les âmes elles-mêmes de ceux que vous évoquez. Je ne me communique que rarement. Mes amis, ceux qui ont assisté à ma vie et à ma mort, sont les interprètes divins des volontés de mon Père. Hommes faibles qui croyaient à l'erreur de vos obscures intelligences, n'éteignez pas le flambeau que la clémence divine place entre vos mains. Éclairez votre route et vous ramenez, enfants perdus, dans le giron de votre Père. Je vous le dis en vérité, croyez à la diversité, à la multiplicité des esprits qui vous entourent. Je suis trop touché de compassion pour vos misères, pour votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux malheureux égarés qui, voyant le ciel, tombent dans l'abîme de l'erreur. Croyez, aimez, comprenez les vérités qui vous sont révélées. Ne mêlez pas l'ivraie au bon grain, les systèmes aux vérités. Spirit, aimez-vous. Voilà le premier enseignement. Instruisez-vous, voilà le second. Toute vérité se trouve dans le christianisme. Les erreurs qui ont pris racine sont d'origine humaine. Et voilà qu'au-delà du tombeau, que vous croyez le néant, des voix vous crient. Frère, rien ne périt. Jésus-Christ est le vainqueur du mal. Soyez les vainqueurs de l'impiété. Remarque. Cette communication, obtenue par un des meilleurs médiums de la Société Spirite de Paris, est signée d'un nom que le respect ne nous permet de reproduire que sous toute réserve, tant ce serait grande l'insigne faveur de son authenticité et parce qu'il en a été trop souvent abusé dans des communications évidemment apocryphes. Ce nom est celui de Jésus de Nazareth. Nous ne doutons nullement qu'il ne puisse se manifester, mais si les esprits vraiment supérieurs ne le font que dans des circonstances exceptionnelles, la raison nous défend de croire que l'esprit pur par excellence répond à l'appel du premier venu. Il y aurait, dans tous les cas, profanation à lui attribuer un langage indigne de lui. C'est par ces considérations que nous nous sommes toujours abstenus de rien publier qui portât ce nom. Et nous croyons que ne saurait être trop circonspect dans les publications de ce genre qui n'ont d'authenticité que pour l'amour-propre et dont le moindre inconvénient est de fournir des armes aux adversaires du spiritisme. Comme nous l'avons dit, plus les esprits sont élevés dans la hiérarchie, plus leur nom doit être accueilli avec défiance. Il faut faudrait être doué d'une bien grande dose d'orgueil pour se flatter d'avoir le privilège de leur communication et se croire digne de converser avec eux comme avec ses égaux. Dans la communication ci-dessus, nous ne constatons qu'une chose, c'est la supériorité incontestable du langage et des pensées, laissant à chacun le soin de juger si celui dont elle porte le nom ne la désavouerait pas. Sur les médiums. 10. Tous les hommes sont médiums. Tous ont un esprit qui les dirige vers le bien, quand ils savent l'écouter. Maintenant que quelques-uns communiquent directement avec lui par une médiumnité particulière, que d'autres ne l'entendent que par la voix du cœur et de l'intelligence, peu importe. Ce n'est pas moins leur esprit familier qui les conseille. Appelez-le esprit, raison, intelligence. C'est toujours une voix qui répond à votre âme et vous dicte de bonnes paroles. Seulement, vous ne les comprenez pas toujours. Tous ne savent pas agir d'après les conseils de la raison, non de cette raison qui se traîne et rend plutôt qu'elle ne marche. Cette raison qui se perd au milieu des intérêts matériels et grossiers, mais cette raison qui élève l'homme au-dessus de lui-même, qui le transporte vers des régions inconnues, flamme sacrée qui inspire l'artiste et le poète, pensée divine qui élève le philosophe, élan qui entraîne les individus et les peuples, raison que le vulgaire ne peut comprendre, mais qui élève l'homme et le rapproche de Dieu plus qu'aucune autre créature. Entendement qui sait le conduire du connu à l'inconnu et lui fait exécuter les choses les plus sublimes. Écoutez donc cette voix intérieure, ce bon génie qui vous parle sans cesse, et vous arriverez progressivement à entendre votre ange gardien qui vous tend la main du haut du ciel. Je le répète. La voix intime qui parle au cœur est celle des bons esprits, et c'est à ce point de vue tous les hommes sont médiums. Signé Channing. 11. Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde. Les prophètes étaient des médiums. Les mystères d'Éleusis étaient fondés sur la médiumnité. Les Chaldéens, les Assyriens avaient des médiums. Socrate était dirigé par un esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa philosophie. Il entendait sa voix. Tous les peuples ont eu leur médium, et les inspirations de Jeanne d'Arc n'étaient autres que les voix d'esprit bienfaisant qui la dirigeaient. Ce don qui se répand maintenant était devenu plus rare dans les siècles moyens, mais il n'a jamais cessé. Swedenborg et ses adeptes ont eu de nombreuses écoles. La France des siècles derniers, moqueuse et occupée d'une philosophie qui, en voulant détruire les abus de l'intolérance religieuse, éteignait sous le ridicule tout ce qui était idéal. La France devait éloigner le spiritisme qui ne cessait de progresser dans le Nord. Dieu avait permis cette lutte des idées positives contre les idées spiritualistes parce que le fanatisme s'était fait une arme de ces dernières. Maintenant que les progrès de l'industrie et des sciences ont développé l'art de bien vivre à un tel point que les tendances matérielles sont devenues dominantes, Dieu veut que les esprits soient ramenés aux intérêts de l'âme. Il veut que le perfectionnement de l'homme moral devienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire la fin est le but de la vie. L'esprit humain suit une marche nécessaire, image de la gradation subie par tout ce qui peuple l'univers visible et invisible. Tout progrès arrive à son heure. Celle de l'élévation morale est venue pour l'humanité. Elle n'aura pas encore son accomplissement de vos jours, mais remerciez le Seigneur d'assister à l'aurore bénie. Pierre Jouty, père du médium. 12. Dieu m'a chargé d'une mission à remplir envers les croyants qu'il favorise du médiumat. Plus ils reçoivent de grâce du Très-Haut, plus ils courent de dangers, et ces dangers sont d'autant plus grands qu'ils prennent naissance dans les faveurs mêmes que Dieu leur accorde. Les facultés dont jouissent les médiums leur attirent les éloges des hommes, les félicitations, les adulations. Voilà leur écueil. Ces mêmes médiums, qui devraient toujours avoir présente à la mémoire leur incapacité primitive, l'oublient. Ils font plus, ce qu'ils ne doivent qu'à Dieu. Ils l'attribuent à leur propre mérite. Qu'arrive-t-il alors? Les bons esprits les abandonnent. Ils deviennent le jouet des mauvais et n'ont plus de boussole pour se guider. Plus ils deviennent capables, plus ils sont poussés à s'attribuer un mérite qui ne leur appartient pas. Jusqu'à ce qu'enfin Dieu les punisse en leur retirant une faculté qui ne peut plus que leur être fatale. Je ne saurais trop vous rappeler de vous recommander à votre ange gardien pour qu'il vous aide à être toujours en garde contre votre plus cruel ennemi, qui est l'orgueil. Rappelez-vous bien, vous qui avez le bonheur d'être les interprètes entre les esprits et les hommes, que, sans l'appui de notre divin maître, vous serez punis plus sévèrement parce que vous aurez été plus favorisés. J'espère que cette communication portera ses fruits, et je désire qu'elle puisse aider les médiums à se tenir en garde contre l'écueil où ils viendraient se briser. Cet écueil, je vous l'ai dit, c'est l'orgueil. Signé Jeanne d'Arc. 13. Lorsque vous voudrez recevoir des communications de bons esprits, il importe de vous préparer à cette faveur par le recueillement, par de saines intentions et par le désir de faire le bien en vue du progrès général. Car souvenez-vous que l'égoïsme est une cause du retard à tout avancement. Souvenez-vous que si Dieu permet à quelques-uns d'entre vous de recevoir le souffle de certains de ses enfants qui, par leur conduite, ont su mériter le bonheur de comprendre sa bonté infinie, c'est qu'il veut bien, à notre sollicitation et en vue de nos bonnes intentions, vous donner les moyens d'avancer dans sa voie. Ainsi donc, médium, mettez à profit cette faculté que Dieu veut bien nous accorder. Ayez la foi dans la mansuétude de notre maître. Ayez la charité toujours en pratique. Ne vous lassez jamais d'exercer cette sublime vertu ainsi que la tolérance. Que toujours vos actions soient en harmonie avec votre conscience. C'est un moyen certain de centupler votre bonheur dans cette vie passagère et de vous préparer une existence mille fois plus douce encore. Que le médium d'entre vous qui ne se sentirait pas la force persévérer dans l'enseignement spirit s'abstienne, car, ne mettant pas à profit la lumière qui l'éclaire, il sera moins excusable qu'un autre, et il devra expier son aveuglement. Signé Pascal.